Donc, c'est une lecture assez longue, n'est-ce pas? Certains peut-être commencent à avoir mal aux jambes. C'est bon, le carême, il faut chercher des petites pénitences, des petites choses à offrir. En fait, c'est un texte majeur de l'itinéraire du carême. Vous savez que les textes de cette année, ce qu'on appelle l'année A, il y a 3 cycles de lecture pour les évangiles. Eh bien, ce sont des textes disposés pour le chemin ultime du catéchumène vers le baptême. Qu'est-ce qu'un catéchumène? Vous le savez? C'est quoi un catéchumène? Alors, c'est quelqu'un qui demande à recevoir le baptême, mais qui est en préparation, qui est en formation, qui reçoit les catéchèses préparatoires à recevoir le baptême. Quelqu'un qui est en train, qui a soif de Jésus, qui est en train de se disposer pour recevoir ultimement le baptême. Et ce texte est un texte majeur qui, au fond, reflète la disposition de toute personne qui aspire à se faire baptiser. Et, plus fondamentalement, de toute personne qui a soif d'être heureux. Ce texte parle d'une soif d'abord corporelle. Hein, on entend Jésus qui s'arrête et qui traverse la région de la Samarie. Donc la région de la Samarie, petits éléments géographiques, il y a en haut la Galilée, la Samarie est le territoire au milieu, et il y a ensuite la Judée, où est Jérusalem. Jésus vient de Nazareth, donc du territoire, et les pêcheurs, Pierre et les autres, hein, ils viennent autour du lac de Tibériade, qui est en haut, le Jourdain, coule jusqu'à la mer Morte. Et en bas, il y a Jérusalem. Donc, pour aller de Jérusalem à Galilée ou de Galilée à Jérusalem, il faut traverser la Samarie. Le texte dit que les Juifs, normalement, ne parlent pas aux Samaritains. Et c'est réciproque, les Samaritains n'aiment pas trop les Juifs non plus. Pourquoi? Eh bien, historiquement, tout ce territoire faisait partie des 12 tribus d'Israël qui étaient unies. Et le roi David était, entre autres, le roi de toutes ces gens. Mais est arrivé à un moment donné une scission du royaume du Nord et du Sud, mais ils étaient encore tous juifs. Ensuite est arrivée une déportation du peuple du Nord et entre autres de ceux du secteur de Samarie. Et les envahisseurs, les Assyriens, ont mélangé de nouvelles personnes à ce peuple pour être certains d'éradiquer un petit peu cette culture, ces traditions religieuses, pour faire une sorte de melting pot qui tue culturellement cette société. Ce qui fait que les Samaritains, ce n'étaient plus des Juifs purs, des Juifs qui avaient la tradition juive pure, mais c'était des gens mélangés avec toutes sortes d'autres traditions religieuses païennes autour. Donc, pour un Juif qui veut être un bon Juif, eh bien, les Samaritains, c'était des gens pas trop recommandables. Mais en plus, ce pourquoi il y avait une hostilité, c'est que les Juifs eux-mêmes ont été déportés. À un moment donné, ils ont reconstruit le temple, ils ont voulu reconstruire les murs de Jérusalem. Et des Samaritains, entre autres, s'étaient établis dans le secteur et ils se sont opposés. Ils ont fait un peu la bataille, la guerre aux Juifs qui voulaient reconstruire Jérusalem. Donc, non seulement, d'une certaine façon, les Juifs gardent une mémoire un peu douloureuse, que c'est des gens qui nous empêchent de prier le vrai Dieu. Donc Jésus, ça c'est un peu le contexte, mais Jésus passe et s'arrête en Samarie, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est des journées de marche, et il se met à parler à une Samaritaine, chose qui se faisait rarement, donc pour les raisons que je viens de dire, on ne parle pas à un Samaritain, mais encore moins à une Samaritaine, pour toute cette question pas simple, hein, qu'il y avait, on parlait peu à des femmes comme ça. Et il lui demande à boire. Et la femme, tout étonnée, tu t'adresses à moi? Es-tu pas supposé d'être des ennemis? Mais Jésus continue de lui parler, lui dit, si tu savais celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. C'est toi qui m'aurais demandé à boire. Mais là, elle comprend pas trop parce qu'elle dit, mais t'as même pas de chaudière, hein, t'as pas de seau pour puiser. Le puits est profond, comment tu ferais? Mais là, Jésus est en train de lui parler, il est en train de l'amener ailleurs. Il est en train de lui parler d'une autre soif. La soif d'aimer et d'être aimé. Mais elle n'a pas encore tout de suite compris. Mais Jésus est en train de la conduire, puis ils se mettent à discuter sur quel est le vrai lieu d'adoration, aussi le vrai lieu de prière. Serais-tu plus grand que notre père Jacob, hein? Jacob, c'est un des patriarches qui avait fait construire ce puits. Et Jésus lui dit qu'il peut faire jaillir en elle des sources jaillissantes en vie éternelle. Encore une fois, elle comprend pas trop, mais elle dit, ben, donne-moi donc cette eau-là. Si je t'en donne, t'auras plus jamais soif. Ben, donne-moi-en, je vais économiser un problème, hein. J'aurai pas à revenir puiser à chaque jour. Mais encore une fois, ils sont pas au même niveau. Elle parle de l'eau matérielle, lui parle d'une autre soif. Celle d'être aimé et d'aimer, celle d'être comblé dans notre soif infinie. Donc Jésus essaie de l'amener tranquillement à la bonne place. Et là, il lui pose une petite question piège, mais qui est pleine de miséricorde. Va chercher ton mari. Puis là, elle répond, un peu peut-être la tête basse, on s'imagine, je n'ai pas de mari. Et là, Jésus, qui est chemin, vérité et vie, qui essaie de l'amener à la bonne interprétation sur la question de la soif, lui dit, tu as raison, des maris, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Et là, elle est toute étonnée, oups, il connaît ma vie, c'est qui cet homme? Puis là, elle lui dit, tu es un prophète, vraiment. Et encore une fois, c'est là qu'ils disent, où il faut adorer, puis Jésus est clair, il dit, le salut vient des Juifs. Et donc, les Juifs ont raison, oui, c'est à Jérusalem, mais vient un temps où ce sera plus à Jérusalem ou ailleurs qu'il faudra adorer Dieu, mais ce sera en esprit et en vérité, partout. Dieu est esprit. Et là, Jésus, encore une fois, pointant la soif de cette femme, il a pointé une chose, ainsi cette femme a eu 5 maris. Ici, elle est encore avec une autre personne qui n'est pas son mari. C'est qu'elle a soif de quelque chose. Elle a soif d'être aimée. Mais elle est déçue à chaque fois dans ses amours. Elle a soif pas juste d'être aimée, mais d'aimer. Encore une fois, elle est déçue. Il y a une non-réceptivité de l'autre côté. Et il y a rupture, soif, tentative, déception, rupture. Et c'est un cycle un peu infernal qu'elle répète et qu'elle pourrait répéter à l'infini à moins qu'elle ne rencontre la vraie source, cette citerne qui n'est pas de l'eau frelatée, cette eau qui donne pas mal au ventre après, cet amour. On parle beaucoup de l'amour aujourd'hui ou même de faire l'amour. Mais des fois, on a mal au ventre après. Ça goûte pas bon après. On est vide après. Pourquoi? Est-ce que j'ai puisé l'amour à la bonne place? Dieu veut nous combler. Il nous veut heureux. Combler dans notre soif d'être aimé et d'aimer. Et Jésus lui dit, moi, je pourrais te donner quelque chose qui te comblerait. C'est pas juste quelque chose, en fait, c'est quelqu'un. Celui qu'il promet, c'est au fond l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est nul autre que l'Esprit de Dieu. Qui est nul autre que l'Esprit d'amour en Dieu, source de tout amour qu'on cherche humainement. Et Jésus dit, si tu l'accueilles, cet Esprit Saint-là, il deviendra en toi une source jaillissante. Une source, c'est quoi? C'est quelque chose qui jaillit, ça sort, puis ça s'épuise pas. Et puis, il y en a même pour ceux qui viennent autour et qui viennent s'abreuver. Finalement, cette femme, de façon étonnante, qu'est-ce qu'elle fait? Après, elle part, elle retourne. En passant, ce pourquoi elle venait au milieu du jour puiser de l'eau, ce qui était plutôt exceptionnel, dans les pays chauds, tu ne vas pas puiser de l'eau en plein cœur de journée. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud, tu sues, c'est très pesant de l'eau. Tu y vas de grand matin ou le soir à la tombée du jour, puis en plus, ça devient des lieux sociaux. Mais elle, elle va puiser au milieu du jour. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas rencontrer de monde. Parce que probablement, elle est pointée du doigt. « Ah, ça, c'est la fille facile. C'est son cinquième. » Elle doit souffrir, cette femme-là. Et elle préfère supporter le poids du jour, du soleil qui tape, plutôt de se faire taper par le jugement des autres. Mais elle a soif. Son corps a soif, mais son cœur a soif. Encore soif. Même si elle est avec quelqu'un. Et Jésus est en train d'apaiser sa soif dans sa miséricorde et dans sa vérité. Et puis, étonné de sa rencontre avec ce juif étonnant, ce prophète, comme elle dit, ne serait-il pas le Messie? Elle va voir les autres. Mais c'est qui les autres? C'est les autres Samaritains. Eh bien, c'est les gens qui ont l'habitude de la juger. Mais très étonnamment, là, elle n'a pas peur d'aller les voir. Elle dit, venez, il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle parle pas de ses bons coups, elle parle de ses mauvais coups. Mais elle n'a pas peur d'aller leur dire, qu'est-ce qui a changé en cette femme qui voulait pas voir ceux qui la pointaient du doigt? Et là, pourquoi elle retourne vers ceux qui peut-être la pointaient du doigt? C'est qu'en fait, cette femme vient de faire une expérience, l'expérience unique d'être aimé sans masque, d'être aimé malgré sa misère, m'aimer malgré sa faiblesse, son péché. Elle ne s'est pas sentie jugée, mais elle a rencontré quelqu'un qui lui a appris, qui lui a donné une clé pour apaiser sa soif d'être aimé, sa soif d'aimer, sans arrière-goût. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas peur d'aller aux autres, puis elle va leur dire, au fond, quand j'ai découvert quelque chose de bon, qui goûte bon, qu'est-ce que je fais? Je dis aux autres, « Hey, viens donc, ça a l'air de goûter bon, puis j'ai pas mal au ventre après. Tu devrais peut-être y goûter, toi aussi. » Finalement, les autres s'approchent, ils viennent voir Jésus, et ils disent à la femme, « Maintenant, c'est plus à cause de toi qu'on croit. Nous, on a entendu nous-mêmes, et c'est vrai que ces paroles sont bonnes à boire. Hein, les paroles de Dieu, là où on continue de s'abreuver de l'Esprit Saint de nos jours, c'est où? Eh bien, c'est dans la parole de Dieu, la parole de Jésus, qui est comme une eau vive, qui nous abreuve, qui nous irrigue l'âme. C'est pour ça qu'on vient à la messe les dimanches, mais c'est aussi pour ça qu'on est appelé à lire la Bible chez nous, spécialement le Nouveau Testament, qui nous parle de Jésus. Et Jésus, dans l'Ancien Testament, la première lecture qu'on a lue, on voit le peuple qui a soif, qui est dans le désert. Et Dieu dit à Moïse, « Va-t'en vers un rocher, prends ton bâton, tu frapperas, puis il y a de l'eau qui va jaillir. » Et c'est ce qui se passe. Ils vont vers un rocher, ils frappent, il y a de l'eau qui jaillit. Cet épisode de l'Ancien Testament, qui était là pour apaiser une soif physique, était une préfiguration de ce que Jésus voulait faire. Jésus est le rocher. Il est la vie, le roc. Celui sur qui on peut s'appuyer sans déception. Et le roc, à l'intérieur du roc de Jésus, c'est quoi? C'est son cœur. Quel est le bâton qui a transpercé, qui a frappé ce rocher? Eh bien, c'est la lance du soldat qui a percé son cœur. Qu'est-ce qui a jailli du côté du cœur percé du Christ? Il a jailli de l'eau et du sang. Symbole du baptême, symbole aussi de l'Eucharistie, don d'amour signe concret d'amour pour nous aujourd'hui, pour nous rappeler Dieu t'aime. Il veut être ta source. Si tu le veux, viens boire, gratis. Ça coûte rien et ça ne déçoit pas. Donc Jésus est le vrai rocher, mais on pourrait se poser la question, maintenant pour nous, c'est quoi le bâton par lequel on peut frapper sur ce rocher pour qu'il y ait encore de l'eau pour moi? Et tout à l'heure, entendant la parole de Dieu, il m'est venu dans le cœur que le bâton qui nous est donné, c'est la foi, c'est l'acte de foi, l'acte de confiance par lequel je me tourne vers Jésus puis je dis « Jésus, fais quelque chose, j'ai soif, j'ai faim d'amour. » Et chaque acte de foi fait couler la grâce, fait couler de l'Esprit Saint dans mon cœur et dans le vôtre. Oui, aujourd'hui, approchons-nous de Jésus. Et vous savez, dans le carême, je ne sais pas comment vont vos résolutions de carême. Les miennes, c'est plutôt moyen. Alors souvent, en début de carême, on prend des bonnes résolutions. La prière, d'ailleurs, l'oraison du début de la messe était magnifique. « Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché. » On l'a dit le mercredi des cendres, le premier dimanche, comment guérir du péché. Il y a trois grands moyens. C'était le jeûne, la prière et le monde, le partage. Et le texte rappelle qu'on le sait comment faire. Puis en même temps, on a peut-être pris des résolutions de jeûne, de prière, de prier mieux, de prier plus et de partager plus. Sauf qu'on s'aperçoit à la mi-carême, bof, ça marche pas trop mes résolutions. Je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais ça marche demi mes résolutions. Eh bien, écoutons bien le reste de la prière. Le reste de la prière dit, écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Patiemment, relève-nous avec amour. Au fond, le vrai challenge du carême, c'est pas de faire plein d'actes volontaristes. Le vrai challenge du carême, c'est d'ouvrir la porte à l'Esprit Saint pour qu'il lui-même, qu'il soit celui qui prie en moi, que lui-même me montre le jeûne qui plaît au Seigneur, que lui-même soit celui qui m'inspire le vrai partage à faire. Donc je nous invite aujourd'hui à faire un acte ensemble, à ouvrir la porte à Jésus et à l'Esprit Saint par notre acte de foi, en demandant à Jésus de nous donner encore une fois son Esprit Saint. Si vous voulez, on va reprendre un refrain tout simple pour demander à Jésus de nous envoyer cet Esprit qui nous vivifie et qui recrée la vie sur nos âmes sèches. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre.